Politique, ça m'en fait sortir les trucs. Ils essayent toutes ces grosses murs de nous faire venir aux yeux. Quand on parle de la justice, ça me refile la syphilis. Leur système judiciaire, vraiment bon à foutre en l'air. Ah c'est la mer. Ah c'est la mer. Je me sens tout paralysé. Alors je fume un gros tarpé, puis je vais me reposer. Vu que j'ai pas de conversation, moi je parle pas aux têtes de cons. Politique, justice, boulot, ça m'en fait trop froid dans l'eau. Ah c'est la mer. Ah c'est la mer. Ça m'en fait sortir les trucs. Ils essayent toutes ces grosses murs de nous faire venir aux yeux. Quand on parle de la justice, ça me refile la syphilis. Leur système judiciaire, vraiment bon à foutre en l'air.